Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. C'est à Breteuil que nous emmène Franck Ferrand en ce jour de la Toussaint. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Nous allons visiter donc tout à l'heure le château de Breteuil en compagnie de son propriétaire. Nous le ferons en hommage à l'un de ses anciens propriétaires, un grand ministre de Louis XVI qui a joué un rôle dans l'affaire du collier de la reine. Oui, une célèbre affaire que vous allez nous raconter maintenant. Oui, je vais en tout cas essayer de la résumer à grands traits, car pour entrer dans tous ces détails, il nous faudrait des heures et des heures. Je compte sur mon invité Evelyne Levin pour nous aider à y voir clair dans cette sinistre histoire. Europe 1, 14h-15h, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Au moment où va commencer cette histoire invraisemblable, il faut vous dire que la cour de Versailles est très différente de ce qu'elle était ne serait-ce que 20 ans plus tôt. Nous sommes en 1785. Ça veut dire que le règne de Louis XV est bel et bien passé, ce n'est plus qu'un souvenir. La cour a nettement rajeuni, ses mœurs se sont beaucoup simplifiées. Or, les deux grands personnages mis en cause dans l'affaire du collier incarnent précisément l'ancien temps et le nouveau. En rouge et or, si je puis dire, dans le rôle du grand seigneur façon cour de Louis XV, magnifique, un peu dépassé aussi, j'ai nommé le cardinal de Rohan, issu d'une des plus anciennes familles du royaume, archevêque de Strasbourg, grand aumônier de France. Il est un des plus puissants princes de l'Église. C'est un homme de salon, Rohan, qui plaît aux femmes, brillant causeur, vivant sur un grand pied. Il incarne cette vieille France aristocratique qui veut regagner le terrain cédé à la bourgeoisie et, en ce qu'il concerne, qui rêve d'une carrière ministérielle. Il a intrigué pour être nommé par le feu roi Louis XV ambassadeur à Vienne, où il s'est fait adorer de la bonne société autrichienne et haïr de l'impératrice Marie-Thérèse, qui détestait son ostentation. Or, l'impératrice avait prévenu sa fille contre lui. Et Marie-Antoinette, dès le retour de Rohan à Versailles, va lui témoigner une hostilité assez nette et assez marquée. Alors justement, dans le deuxième rôle, et cette fois, j'allais dire en tulle blanc et gaze pastel, dans le rôle de la princesse revenue des gloires et des fastes d'antan, voici Marie-Antoinette, qui mène la vie la plus simple possible dans une campagne idyllique et sans prétention. La reine incarne plus ou moins la nouvelle génération de ces altesses inspirées par Jean-Jacques Rousseau et qui prétendent vivre, si possible en tout cas, comme des gens simples. Tout est très relatif, évidemment. Ce sont donc bien deux mondes qui s'affrontent. Or, c'est le second qui a le vent en poupe. Évidemment, à Versailles, et en tout cas chez la reine, l'époque des grandes fêtes, des grandes réceptions monarchiques, des décors rocailles à profusion et des soupers fins sur des terrasses ornées de vernis martin, tout cela est révolu. La révolution néoclassique est déjà passée par là. On n'aime rien tant que les lignes droites et sobres, les pastorales à l'antique et les collations prises à Trianon. Et vous comprenez évidemment que dans ce nouveau décor, le fameux collier à la base de toute cette affaire n'a plus véritablement sa place. Qu'est-ce que c'est que ce collier ? C'est un tour de force de joaillier doublé d'un pari commercial assez dément. Pendant des années, deux fameux bijoutiers, Bemer et Bassange, ont réuni toute une collection de très gros diamants en vue de faire une sorte de chef-d'œuvre immortel et indépassable. Sauf que Marie-Antoinette se dit que, quitte à jeter l'argent par les fenêtres, elle préférerait construire de nouvelles fermettes dans le beau domaine de Trianon. La reine trouve que cet énorme collier ressemble, je la cite, à un harnais pour les chevaux. Elle fuit Bemer autant qu'elle le peut. Cet homme-là, dit-elle à l'une de ses dames, cet homme-là a été inventé pour mon supplice. Tout dépité, nos joailliers ont essayé de vendre leur grand sautoir à d'autres cours d'Europe. Seulement, le prix vertigineux du collier, 1 600 000 livres, c'est complètement fou, ce prix a découragé tous les acheteurs et les malheureux commerçants se retrouvent avec leur chef-d'œuvre sur les bras. Ce collier n'intéresse personne. Enfin, quand je dis personne, Évidemment, il va intéresser un certain nombre d'arnaqueurs et notamment, il intéresse beaucoup une dame qui est encore inconnue mais qui ne va pas le rester, qui s'appelle Jeanne de la Motte. Cette arnaqueuse, pardonnez-moi, c'est le seul mot possible, mérite qu'on s'y attarde et nous y reviendrons tout à l'heure, bien entendu. C'est elle par qui le scandale arrive. Elle descend d'un bâtard du roi Henri II, c'est pour tout vous dire, sa seule noblesse, car pour ce qui est du reste, le personnage n'est pas reluisant. Elle a vécu une enfance misérable, elle a fait toutes sortes de petits métiers, et puis elle a épousé un ancien gendarme, Nicolas de la Motte, qu'elle a affublé du titre de comte. Après tout, ça peut toujours servir. En 1781, à Saverne, celle qui lui sert de protectrice l'a présentée au cardinal de Rohan. Ça, c'était une grave erreur. Et tout de suite, avec l'espèce de flair de requin qui la caractérise, Madame de la Motte a repéré non seulement le gros poisson, mais le poisson facile à appâter. Elle va faire sa cour au cardinal, elle s'insinue dans ses bonnes grâces, elle parvient à se faire apprécier du prélat dont elle a détecté le point faible. Il serait prêt à tout pour un sourire de Marie-Antoinette. Alors avec beaucoup d'adresse, la comtesse de la Motte, comme elle se fait appeler, va essayer de se faire passer pour une intime de la reine. C'est un petit peu gros, vous allez me dire, mais il faut savoir que la reine, qui joue très gros jeu dans ses appartements, a pris l'habitude d'y admettre une société pour le moins mélangée, pourvu que les joueurs soient prêts à jeter des fortunes sur le tapis. Alors on se dit après tout, pourquoi pas une Madame de la Motte ? Le cardinal de Rohan, en vérité, a tellement besoin de trouver quelqu'un qui pourrait défendre ses intérêts auprès de la souveraine qu'il est prêt à croire à peu près n'importe qui. En fait, il est entre les mains d'une mauvaise femme et un esprit avisé s'en rendrait compte. Seulement voilà, Rohan appartient non seulement à la plus haute noblesse, mais en même temps au plus haut clergé. Et dans son esprit, l'idée qu'une femme modeste, presque une bourgeoise, puisse oser se jouer de lui pour le gruger, cette idée-là est tout simplement impossible à concevoir. Un extrait du double concerto pour violon de Bach sur Europe 1. Alors cet après-midi, vous nous racontez l'affaire, la célèbre affaire du collier de la reine, une histoire passionnante. Mais avant d'y revenir, Franck, je me pose une question que certainement beaucoup d'auditrices se posent. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce fameux collier? À quoi alors, il ressemblait? On en a deux copies. Le collier lui-même, il a été complètement démantelé à l'époque. Mmh. Vous allez voir ça dans un instant d'ailleurs. Il y en a une copie dans les petits appartements de la reine au château de Versailles. Il y en a une autre copie au château de Breteuil dont nous allons parler tout à l'heure et nous y reviendrons. Ce collier, soyons très honnêtes, il n'est pas d'une grande beauté, mais il est très lourd. Hein, il faut imaginer en diagonale, oui, comme ça, toute une série de rangs de diamants. Ça fait un peu penser à une sorte de très grosse rivière de diamants, si vous voulez. Mais alors, quand je dis très grosse, 647 diamants énormes pour plus de 2800 carats. C'est une sorte de trésor absolument invraisemblable et vous comprenez pourquoi ça intéresse notamment notre fameuse comtesse avec de grands guillemets. Elle va demander à son amant qui s'appelle Réto de Villette, elle va demander d'imiter plus ou moins l'écriture de la reine et de signer des faux billets où Marie-Antoinette se montre aimable, amicale, etc. Tout ça pour appâter le cardinal de Rohan, vous avez compris. Elle lui montre les lettres que la reine lui écrit, etc. Rohan ne marche pas, il court. Alors, les autres en profitent, bien entendu. Ils lui soutirent d'abord un petit peu d'argent sous divers prétextes, et puis un petit peu plus. On essaie de voir jusqu'où il va. Oh, il n'est jamais contre une générosité, le cardinal de Rohan. Un jour, on contrefait carrément une supplique de la main de la reine, et ça permet d'extorquer au cardinal 50 000 livres, une petite fortune. Au moment de Noël, ce sera même carrément 100 000 livres. Et là où la comtesse est diabolique, c'est qu'elle a mesuré exactement les concessions nécessaires pour avancer dans son entreprise. Elle a compris que maintenant, le prélat commençait à se fatiguer des billets écrits. Ce qu'il veut maintenant, c'est voir la reine, voir sa majesté en chair et en os. Ça, ça paraît quand même nettement plus difficile. Enfin, ce serait difficile si la comtesse de la Motte n'était pas qui elle est. Après tout, le cardinal veut voir la reine en privé. Eh bien, on va lui arranger le coup. Au palais royal, Nicolas de la Motte, son mari cette fois, va repérer une prostituée qui possède à peu près la taille et la corpulence de la reine. On achète les services de la dame, on l'habille d'une robe absolument magnifique, inspirée d'un tableau de Madame Vigée-Lebrun. On lui colle sur la tête une aune de mousseline noire et par une nuit sans lune, on la présente au cardinal dans un sombre bosquet de Versailles, bosquet de Vénus. La souveraine est censée venir en secret pour une entrevue plus ou moins avouable. Seulement, dès que la silhouette approche, le cardinal se dit « ça y est, cette fois je vais enfin pouvoir parler en privé à la reine ». Mais à ce moment-là, au moment où la doublure improvisée allait s'approcher de trop près, on fait intervenir Reto, qui est vêtu de la livrée de la reine et qui « Madame, attention, voici monseigneur le comte d'Artois ». Hop, aussitôt la silhouette disparaît. Rohan ramasse la rose qu'elle a juste eu le temps de laisser tomber, il s'enivre de son parfum et ça y est, le tour est joué. Prochaine étape pour les trois arnaqueurs, passer aux choses sérieuses. Et c'est ici que le fameux collier de diamants va rentrer en scène. C'est lui qui doit servir de support à l'une des plus formidables arnaques qu'on ait jamais vues. Nous sommes en janvier 1785. Madame de la Motte explique à Rohan que la reine aurait besoin de son aide pour acquérir discrètement, vous savez, le fameux collier. Il faut pouvoir payer Bemer. Il y aura un contrat en bonne et due forme. D'ailleurs, ce contrat, pourquoi ne pas l'établir tout de suite? La reine réglera les joailliers en 4 versements de 400 000 livres, vous imaginez. Le premier au 1er août. Alors, évidemment, on monte toute une histoire. À l'entrevue suivante, Madame de la Motte produit le document apparemment signé de la reine. Le document est signé exactement Marie-Antoinette de France. On va voir dans un instant ce qu'il faudrait penser d'une telle signature. Mais le cardinal ne s'arrête pas à ça. En fait, il est ravi. Il tient, pense-t-il, le moyen de s'aliéner la reine pour de bon. Il se rend lui-même chez Bemer. Il se fait montrer la merveille. Vous imaginez si le joaillier est ravi, bien entendu. D'ailleurs, le cardinal, au passage, glisse qu'il est missionné par la reine. Ça, c'est terrible. Les bijoutiers ont confiance, vous imaginez. C'est un très, très grand personnage qui est là, qui a l'oreille de Sa Majesté. Il lui livre la marchandise à domicile. Et le 1er février, le cardinal se rend à Versailles. Il ne se rend pas au château de Versailles. Non, non. Il se rend dans un appartement que Madame de la Motte a loué en ville. Et pendant le trajet, on l'imagine soulevant le couvercle de cet écrin pour apercevoir le fabuleux collier qu'il va confier lui-même à la fausse comtesse qui, sous ses yeux, le remet aussitôt à un faux envoyé de la reine. Et puis le cardinal attend, comme tout le monde, que Sa Majesté, qui est enceinte à ce moment-là, soit relevée de couche pour pouvoir porter le joyau en public. Seulement, évidemment, ce moment-là ne vient jamais. C'est alors qu'intervient une coïncidence sans laquelle l'affaire aurait peut-être pu être étouffée. Le roi, pour plaire à sa femme, qui vient de lui donner un enfant, fait acheter justement chez Bemer un très beau bracelet que le joaillier doit livrer lui-même à Versailles. Alors, le commerçant reste discret en face de la reine, bien entendu, mais il lui glisse quand même un petit billet sur lequel est écrite la phrase suivante. « Madame, nous avons une vraie satisfaction de penser que la plus belle parure de diamant qui existe servira à la plus grande et à la meilleure des reines. » Alors là, Marie-Antoinette relit ça une fois, deux fois. Elle se dit « ce bonhomme est fou, véritablement. » Et vous savez, elle est très imprudente. Elle va brûler le billet à la flamme d'une bougie. Elle se contente de demander à sa lectrice, à Madame Campan, qui a toute sa confiance, d'essayer quand même de tirer cette affaire au clair. Et la brave Campan, qui prend sa mission très au sérieux, se rend chez Bemer Et en quelques phrases, elle comprend que les joailliers ont été la dupe d'une arnaque montée de toutes pièces, sous couvert du nom de la reine. La présence du cardinal prince de Rohan dans l'affaire est un facteur aggravant, car même s'il est loin de s'en douter, le cardinal continue de susciter, en vérité dans l'entourage de la reine, une véritable haine. Madame Campan est soucieuse de ménager sa maîtresse, alors d'abord elle fait part de ses soupçons à deux personnages haut placés dans l'entourage de la reine, son confesseur et surtout le marquis de Breteuil. Le marquis de Breteuil est le puissant ministre de la maison du roi. Aujourd'hui nous dirions qu'il est ministre de l'Intérieur. Et cet après-midi, Franck, vous nous racontez l'escroquerie la plus célèbre de l'histoire de France, celle du collier de la reine. Vous le savez, au cœur de l'histoire, c'est aussi votre émission. Vous pouvez donc réagir et poser vos questions à Franck Ferrand et son invité. Rendez-vous sur Twitter avec le hashtag ACDH et sur la page Facebook au cœur de l'histoire. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 pour la suite de cette arnaque. Europe 1, au cœur de l'histoire. Cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous racontez l'affaire du collier qui est certainement l'escroquerie la plus célèbre de l'histoire. Nous sommes au XVIIIe siècle. Une escroquerie dont le cardinal de Rohan va être la victime. Et le complice involontaire. Et le complice et qui va surtout éclabousser cette escroquerie, la reine. Et alors là, maintenant, le gouvernement est au courant. Le marquis de Breteuil, donc ministre de la maison du roi, n'aime pas du tout Rohan. Lui non plus. Il faut vous dire qu'à l'époque, il convoitait le poste d'ambassadeur à Vienne au moment où on l'a donné au cardinal de Rohan. Autant dire que l'idée d'une petite revanche ne lui est sûrement pas étrangère. Entre-temps, notre fausse comtesse a continué de manœuvrer supérieurement. D'abord, elle a chargé Rohan d'informer Bemer que la reine ne pouvait honorer la première échéance aussi vite que prévu, qu'il allait falloir lui faire un petit crédit supplémentaire jusqu'en octobre. Et puis de l'autre côté, elle a mis les joailliers au parfum et leur a fait savoir que la prétendue signature de la reine était un faux. L'idée là, c'est d'effrayer le cardinal de Rohan et de l'obliger à régler lui-même la facture pour essayer d'étouffer au plus vite ce qui va être le scandale du siècle. Chez la reine et bientôt chez le roi, tout le monde se laisse aveugler en vérité par les préjugés. On pense que cette affaire de collier est un coup monté par le cardinal lui-même. On ne pense pas qu'il a été victime lui aussi d'arnaqueurs. On pense que c'est une espèce d'arnaque montée par le cardinal pour obtenir des liquidités à court terme, pour payer des dettes criantes, il faut dire qu'il en avait quelques-unes. Et au sommet de l'État, personne ne songe un instant que Rohan puisse donc être lui aussi victime. C'est très important de souligner ça. Le 15 août 1787, le grand aumônier de France arrive à Versailles en brillant équipage pour célébrer la messe solennelle de l'Assomption. Auparavant, le roi l'a convoqué dans son cabinet. Le cardinal s'y retrouve face au couple de souverains, face au marquis de Breteuil, bien entendu, et face au garde des Sceaux, Miroménil. Louis XVI lui dit « Vous avez acheté des diamants à Bemer ?»« Oui, sire. »« Qu'en avez-vous fait ?»« Je croyais qu'ils avaient été remis à la reine. » Mais qui vous a chargé de cette commission ? Une dame, nommée la comtesse de la Motte Valois, qui m'a présenté une lettre de la reine. Et là, la reine Marie-Antoinette explose. Mais comment, monsieur, avez-vous pu croire, dit-elle, vous à qui je n'ai pas adressé la parole depuis 8 ans, que je vous choisirais pour conduire cette négociation et par l'entremise, qui plus est, d'une pareille femme ? Imaginez la tête du cardinal de Rohan qui se trouble. Oh, je vois bien, dit-il, que j'ai été cruellement trompé. Qu'importe, je paierai le collier. L'envie que j'avais de plaire à votre majesté m'aura fasciné les yeux. Je n'ai vu nulle supercherie et croyez bien que j'en suis fâché. Bien sûr, dans le cabinet du roi, personne ne croit à cette version, qui pourtant, vous l'aurez compris, est une version sincère. Quand le cardinal quitte la pièce, le marquis de Breteuil transmet l'ordre au capitaine des gardes d'arrêter le cardinal. Et l'on va, vous imaginez, l'ampleur invraisemblable, l'ampleur européenne, pour ne pas dire mondiale, du scandale. On va arrêter le cardinal de Rohan, grand aumônier de France, devant la cour assemblée en ce jour de fête religieuse. Ça, c'est le début des gros ennuis pour tout le monde. Alors, entre-temps, bien sûr, le collier, lui, a franchi la manche. Hein, il est déjà démantelé, etc. Le cardinal est conduit à la Bastille et on ouvre une enquête. Enquête qui va progresser vite et bien. On ne tarde pas à arrêter Réto de Villette, vous savez, l'amant de la comtesse, on l'arrête à Genève. Sa complice, mademoiselle d'Oliva, est arrêtée de son côté à Bruxelles. Seul le mari qui se trouve en Angleterre va bénéficier du droit d'asile. Quant à la comtesse de La Motte elle-même, on la retrouve chez elle, à Bar-sur-Aube, et elle se laisse d'autant mieux arrêter que son rôle n'est pas achevé. Sitôt interrogée, elle se met à nier tout en bloc et elle reconnaît seulement avoir été la maîtresse de Rohan. Vous imaginez comme tout ça fait joli dans le tableau. À Versailles, on continue de s'aveugler sur l'affaire. Au lieu de chercher à comprendre ce qui s'est vraiment passé, au lieu de mettre les choses à plat, si je puis dire, et d'admettre que tout le monde est la victime d'une arnaqueuse et de ses complices, on préfère prêter foi aux dénégations de cette La Motte et continuer, toujours cette espèce de préjugé contre Rohan, continuer de croire que le cardinal est la cheville ouvrière de toute l'histoire. Pour Louis XVI, la question est de savoir dès lors comment juger ce prince de l'Église. Le roi doit-il user de ce qu'on appelle la justice retenue, c'est-à-dire qu'il rendrait lui-même une sentence à l'issue d'une séance à huis clos, ou bien doit-il laisser la justice ordinaire suivre son cours? Et à ce moment-là, ça veut dire que le prince de Rohan doit être jugé par la juridiction suprême, le Parlement de Paris. C'est ici qu'intervient la reine, qui, bien qu'elle soit complètement étrangère à toute cette affaire, vous l'aurez compris, s'y trouve mêlée et pour cause, puisque son nom est complètement et constamment cité. Depuis les révélations du cardinal, Marie-Antoinette est au supplice. Il lui est personnellement insupportable d'imaginer que ce haut dignitaire de l'Église ait pu croire qu'elle lui faisait passer des billets plus ou moins intimes par le biais d'une aventurière, vous imaginez. Et surtout à ce moment-là, Marie-Antoinette réalise à quel point l'opinion, notamment dans la plus haute noblesse, est convaincue de la vilainie de son caractère. Ainsi donc, un cardinal, des joailliers habitués de la cour, plusieurs financiers, au passage, ont trouvé tout à fait plausible qu'elle puisse entretenir des liens douteux avec un grand personnage en vue d'acheter un bijou hors de prix en cachette du roi son mari. Elle réalise, là, Marie-Antoinette, elle réalise soudain, après 11 ans de règne et beaucoup d'épreuves surmontées, que ces légèretés de jeune princesse autrefois, ces archiduchesses devenues dauphines de France, ces inconséquences de souveraine ont laissé des traces très lourdes, graves, indélébiles. Elle réalise que l'opinion qu'on a d'elle dans le public est l'opposé de l'image qu'elle a d'elle-même. Et à partir de ce moment-là, pour que son honneur soit lavé au grand jour, pour être disculpée publiquement, elle va demander que l'affaire soit jugée publiquement. Eh bien, ce qu'elle est en train de faire, tout à fait inconsciemment bien sûr, ce qu'elle est en train de faire, c'est d'ouvrir la première page, ou de l'écrire même, la première page de la Révolution française. Bonjour Évelyne Levert. Bonjour Franck Ferrand. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous allons revenir d'abord sur toute la fin de cette affaire et sur ses suites terribles. Et puis on essaiera d'y voir plus clair dans certaines zones d'ombre. Oui, parce que c'est une affaire très sombre. Europe 1, au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Jusqu'à 15h sur Europe 1, Franck Ferrand vous emmène au cœur de l'affaire du collier de la reine, qui est certainement l'affaire qui déclencha en tout cas la Révolution française. Et on en parle avec votre invité, Franck-Évelyne Levert, historienne spécialiste du XVIIIe siècle. Et cette émission vous donne l'occasion de lire ou relire l'affaire du collier paru chez Fayard. Évidemment. Est-ce qu'on peut dire justement, Évelyne Levert, que, parce que beaucoup d'historiens l'ont dit, l'ont écrit, que c'est le début de la Révolution française, cette affaire? Je reprendrai Mirabeau qui a dit que c'est la préface à la Révolution française, mais ce n'est pas la cause de la Révolution française, ça fait partie un des facteurs déclenchants, et surtout c'est l'image de la reine qui est complètement dégradée, parce que la reine passe pour une femme légère, horriblement dépensière, et même c'est l'Autrichienne dans toute son horreur. Et oui, parce que non seulement, quand on dit le public, il ne faut pas imaginer qu'on parle des lointaines campagnes, tous les gens importants qui vont jouer un rôle décisif dans le déclenchement de la Révolution française, tous ces gens-là qui n'ont pas forcément ni le temps ni l'envie d'entrer dans tous les arcanes d'une affaire d'une complexité folle, ne voient qu'une chose, c'est que la reine était prête en période de quasi-disette, était prête à dépenser des sommes absolument vertigineuses pour un collier, tout ça dans des circonstances extrêmement louches. Voilà ce qui, ressort. Louche. Ah, oui. Et puis elle passe pour avoir été la maîtresse du cardinal de Rohan, ce qui est évidemment complètement faux. Bien sûr. Madame de Lamotte avait deux amants, Rohan. Parce qu'on ne peut pas comprendre l'histoire si on ne savait pas que Madame de Lamotte était aussi la maîtresse de Rohan. Et elle le dit en plus, elle l'affirme. Et c'est la vérité. Ce qu'il faut dire, c'est que le procès va être public, il dure, il passionne l'opinion publique. Alors que ressort-il de ce procès ? Alors, c'est absolument dramatique, parce que le procès se passe en réalité à huis clos au Parlement, mais les avocats écrivent des factums qui sont distribués dans toute la population. Alors il y a l'avocat de Madame de Lamotte qui raconte sa version, il y a l'avocat du cardinal de Rohan qui raconte aussi sa version. Et dans toute cette histoire, les gens s'y reconnaissent très mal, mais ce qu'on retire de tout ça, c'est que la reine a donné des rendez-vous secrets au cardinal, qu'elle entretenait avec lui une correspondance qui était une correspondance amoureuse érotique, et que finalement, c'est une femme qui est une traînée. C'est l'image que l'on garde de la reine. Or, à 26 voix contre 23, oui. La cour va décider non pas de condamner Rohan, ce à quoi la reine était par ailleurs très attachée, mais de le relaxer. Ça, c'est un coup de théâtre phénoménal. C'est-à-dire qu'on blanchit le cardinal de Rohan. Alors, on blanchit le cardinal de Rohan. La comtesse de Lamotte est condamnée à être en prison perpétuellement après avoir été fessée publiquement et qu'on lui ait appliqué le V de voleuse avec un fer brûlant. Rouge, oui. Et quelques temps plus tard... D'ailleurs, elle se débat tellement au moment... Elle se débat tellement qu'on ne lui met pas sur l'épaule, mais on lui met sur le sein. On lui brûle la poitrine, en fait. Oui. Et alors ensuite, elle est enfermée et elle pourra s'évader et elle ira en Angleterre où elle rejoindra son mari, lequel avait vendu les diamants à son profit parce qu'il n'a pas pu être extradé puisque l'Angleterre n'extrade pas. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas été présent, lui n'a pas été arrêté comme les autres complices. Pour Marie-Antoinette, ça a été terrible de voir la foule littéralement porter en triomphe le cardinal de Rohan comme s'il avait été lui-même victime de l'arbitraire monarchique. C'est complètement fou. Et d'autant plus que le roi va passer derrière et lui va punir le cardinal. Alors, comme le roi voit son épouse dans un état d'abattement terrible, il envoie le cardinal de Rohan dans l'abbaye de la Chaise-Dieu en exil. Et au bout de quelques temps, le cardinal ayant une santé défaillante, le roi permettra qu'il revienne en Touraine. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'au moment des états généraux, le cardinal sera élu député du clergé et il restera toujours fidèle à la reine et il en dira toujours le plus grand bien. Et au moment de la révolution, il émigrera et le cardinal de Rohan mourra de mort naturelle. Mais on peut dire que pour Marie-Antoinette, c'est une perte sur tous les tableaux. C'est-à-dire que son image a été complètement dégradée, ça vous nous l'avez bien expliqué, mais on peut même dire que son statut de reine est gravement endommagé. Le Parlement a tenu tête, le roi a fait preuve d'arbitraire, son honneur n'est pas lavé. C'est vraiment une souveraine très affaiblie qui ressort de cette affaire du collier. Elle est définitivement affaiblie et haïe. Et alors les pamphlets qui déjà l'avaient sali s'en donnent à partir de ce moment-là, s'en donnent à cœur joie. Et il faut bien voir une chose, c'est que c'est elle qui avait insisté auprès du roi pour que le cardinal soit arrêté et soit fustigé en quelque sorte publiquement. Alors que si on avait agi avec précaution, il fallait être beaucoup plus discret. Il fallait que le roi convoque le cardinal de Rohan et qu'il lui demande de s'expliquer sur ce qui s'était passé. À ce moment-là, le roi aurait exilé Rohan et la famille aurait payé le collier, ce qu'elle a fait d'ailleurs ultérieurement. Et à ce moment-là, tout aurait été tranquille et on n'aurait jamais fait éclater ce scandale et cette affaire qui reste assez mystérieuse à bien des égards. Parce que la grande zone d'interrogation, c'est comment le cardinal, qui était quand même un homme intelligent, c'était un diplomate, c'était un homme qui avait fait ses preuves, comment a-t-il pu se laisser abuser par cette aventurière qui certes était sa maîtresse, mais enfin c'était énorme. Oui. L'affaire est trop énorme. Je parlais de la signature Marie-Antoinette de France. On n'a jamais vu Marie-Antoinette signer ainsi. Ça n'a aucun sens. Non, les reines signaient. Et même la reine, quelquefois, ne signait pas. Ah, d'ailleurs, oui. Surtout quand elle avait affaire à ses fournisseurs. Elle ne signait pas du tout. Mais il n'a peut-être pas vu la signature, ce qui paraît quand même énorme, parce qu'il a pu lire et relire ce fameux contrat. C'est quand même engagé pour 1 600 000 livres. 1 600 000 livres. Alors, 1 600 000 livres, cela représente à l'époque l'équivalent de 3 châteaux avec leurs terres, etc., 500 hectares. Un château valait, un gros château en Ile-de-France valait à peu près 500 000 livres. Donc, 1 600 000 livres, vous voyez ce que ça représente. C'est complètement immense. C'est complètement fou. Et là, vraiment, la reine et le roi pouvaient se passer de ce scandale. Et c'est Louis XVI qui a voulu complaire à son épouse. Alors, évidemment, et vous l'avez très bien fait dans ce beau livre, L'affaire du collier, qu'on peut encore trouver, qui est constamment réédité et en poche, vous avez montré à quel point Marie-Antoinette était parfaitement étrangère à cette affaire. C'est-à-dire qu'évidemment, aujourd'hui, plus personne n'a de doute sur bien sûr. Mais en revanche, là où elle n'est pas tout à fait étrangère, c'est qu'elle a quand même prêté le flanc à tout niveau. Elle a été suffisamment inconséquente dans sa jeunesse pour qu'on puisse croire à son envie d'acheter le collier. Elle a été suffisamment hautaine envers le cardinal pour qu'il fasse tout et n'importe quoi pour essayer de se rapprocher d'elle. Elle a été suffisamment légère pour brûler le petit papier que lui avait fait passer. Ça, à la limite, ça peut se comprendre. Ensuite, elle a été suffisamment orgueilleuse pour exiger que l'affaire soit jugée en public. Et à la fin, elle a été suffisamment déraisonnable pour demander à son mari d'aggraver une sentence qui aurait pu peut-être calmer les choses. Ça fait quand même beaucoup de fautes pour une même femme, même si elle est étrangère au scandale lui-même, bien entendu. Je pense, moi, que l'erreur de la reine a été de rencontrer, très certainement, ça on ne peut pas le prouver, mais a été de rencontrer Madame de Lamotte. Mmh. Elle l'a écoutée comme elle aurait écouté. Il fallait bien qu'elle se distrait. Par haine du cardinal, non ? Non, pas forcément. Et puis, là, la Dame de Lamotte a dû lui parler du cardinal. Et je suppose, comme certains historiens l'ont supposé, mais l'affaire n'aurait pas pu avoir lieu si, je pense, qu'elle n'avait pas été là. Elle a dû assister pour s'amuser à la fameuse scène du bosquet de Vénus où le cardinal s'est incliné devant une prostituée qui était censée être la reine et qui devait lui dire que tout était pardonné. Et on pense que la reine était là et s'amusait derrière. Mais vous savez, on est à l'époque où on joue le mariage de Figaro et on est exactement dans les mêmes circonstances. C'est une scène à la Beaumarchais. C'est une scène à la Beaumarchais. Mais jamais un bon marché n'aurait imaginé quelque chose d'aussi énorme. Mais comme vous venez, vous, de dire une chose énorme, je vais vous le faire répéter, Evelyne Levert. Oui. Vous pensez que le soir de cette espèce de mise en scène grotesque, oui, la reine elle-même était là cachée Je pense qu'elle... Oui, mais c'était sans... Bon, c'était, pour elle, c'était juste un amusement. Mais... C'était se moquer du cardinal de Rohan. Et ça, je pense qu'elle en avait joui intimement. Mais tout ça, c'est dans l'amusement, c'est dans la légèreté. C'est une femme qui a une certaine frivolité, une certaine légèreté. Elle s'ennuie, Marie-Antoinette. Comme beaucoup de princes, elle s'ennuie, il faut la distraire. Ce sont les lendemains qui déchantent. Oui. Au cœur de l'histoire, sur Europe 1. Mais maman ! Europe 1. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'affaire du collier de la reine cet après-midi et vous êtes en train de nous aider avec votre invité Franck Ferrand à éclaircir certaines zones d'ombre car c'est une affaire très sombre en effet. Vous recevez Evelyne Levert, historienne et spécialiste du XVIIIe siècle. Pour ceux qui nous rejoindraient maintenant, résumons en deux mots, il s'agit d'une arnaque comme on les connaît, comme on les voit parfois au cinéma. Vous savez, une arnaque bien huilée, bien montée par des professionnels du vol et de l'escroquerie. La principale arnaqueuse, si je puis dire, c'est la prétendue comtesse de la Motte, qui se faisait appeler la Motte Valois, parce qu'elle descendait vaguement d'un roi de France. Et cette arnaqueuse va réussir à obtenir des sommes gigantesques et finalement l'achat d'un énorme collier par le cardinal de Rohan, sous prétexte de le ramener dans les bonnes grâces de la reine. La reine qui n'est pour rien dans cette affaire. Oui. Sauf que la reine, se trouvant blessée dans son honneur, va tout faire pour que la chose soit portée sur la place publique, que les choses soient réglées officiellement, en ne comprenant pas que cette attitude allait précipiter non seulement la cour, mais d'une certaine façon la monarchie dans une tourmente qui allait être bientôt la tourmente révolutionnaire. Il y a un homme qui aurait pu jouer un rôle de modérateur dans cette affaire et qui ne l'a pas joué parce que lui-même était en quelque sorte aveuglé par sa haine du cardinal de Rohan, c'est le ministre de la maison du roi, le grand ministre qui était, non pas comme je l'ai dit tout à l'heure, marquis, mais baron de Breteuil, Evelyne Levert. Alors, il n'a pas calmé la reine, mais les autres ministres l'ont fait. Le garde des Sceaux, Miroménil, justement, voulait tempérer les ardeurs de la reine. Le baron de Breteuil n'a pas retenu la reine. Et le baron de Breteuil a aussi voulu complaire à la reine, car c'est le ministre préféré de la reine. La reine a toute confiance en lui et de ce fait, eh bien, il a cédé à la reine. Le baron de Breteuil, disons-le, est un de ceux qui, à la cour, on ne dit pas à l'époque dans le gouvernement, se défendent le plus ce qu'on a appelé, quelques décennies plus tôt, le retournement d'alliance, c'est-à-dire l'alliance entre la France et l'Autriche. Donc il est très pro-autrichien, si l'on peut dire. Oui, c'est quand même très relatif de ce point de vue-là. C'est quand même très relatif parce que justement, c'est lui qui a été le héros de la paix de Téchen, qui a évité une guerre que la France aurait pu avoir avec l'Autriche. On lui a d'ailleurs fait un très beau cadeau à cette occasion, une table de pierre semi-précieuse, absolument somptueuse, de pierre dure, avec une orfèvrerie parmi les plus extraordinaires du XVIIIe siècle. C'est la célèbre table de Téchen qui, jusqu'à ces temps derniers, était au château de Breteuil et qui appartient maintenant aux collections du Louvre, en fait. Et maintenant, il y a une réplique absolument extraordinaire que j'ai vue. Et qui véritablement est la sœur de l'autre. Oui, et sans aucune arnaque cette fois. Sans aucune arnaque. Parce qu'il y a quand même au château de Breteuil la réplique du collier lui-même, la réplique de la table de Téchen. D'ailleurs, ce collier, qu'est-ce qu'on peut en dire de ce collier lui-même ? Ce collier, je pense que Marie-Antoinette ne l'a jamais voulu. Non pas parce qu'il coûtait 1 600 000 livres, mais parce qu'il n'était pas très esthétique, je pense. Il était très lourd. Il y avait d'abord le collier autour du cou avec des festons de diamants. Et puis, il fallait mettre sur le corsage de la reine aux deux épaules des pendants de diamants qui devaient balloter. Oui, qui faisaient comme un gros pectoral. Pectoral. C'était pas vraiment, me semble-t-il, dans le goût de la reine. Elle avait des bracelets de diamants, elle avait des pendants d'oreilles en diamants, mais on ne l'a jamais vue avec des parures aussi lourdes, parce que la parure est horriblement lourde. Oui, lourde au sens physique du mot, ça pesait 4 livres, dit-on, c'est-à-dire 2 kilos. Écoutez, ça fait 2842 carats, mais un carat ne pèse pas un gramme. Non. Alors ne me demandez pas trop de précision. Mais enfin, c'était certainement très lourd et peu esthétique. C'était désagréable à porter, peu esthétique. Oui. Qu'est-il devenu ce collier? Parce qu'il est passé de l'autre côté de la Manche. Alors, lorsque Madame de la Motte a reçu des mains du cardinal le collier, elle était avec son mari et son autre amant qui était Réto de Villette, dont vous avez parlé tout à l'heure, et avec des objets contendants, des couteaux et autres objets du même type, ils ont dépioté le collier. Les grosses pierres ont été données à Monsieur de la Motte, qui est parti en Angleterre pour les vendre, et les petites pierres ont été données à Réto de Villette qui a essayé de les écouler à Paris. D'ailleurs, les bijoutiers parisiens se sont dit, il y en a énormément, qu'est-ce qui a pu se passer? Mais enfin, il n'y avait aucun, la police n'avait pas fait de déclaration de vol, donc alors on les a achetés. Et puis, en Angleterre, là, quand le Parlement a fait l'enquête, on a su où ils étaient, mais ils avaient été revendus et il n'était pas question de les faire revenir. Mais on a su que les pierres avaient été volées et vendues en Angleterre. Parmi les victimes, on n'en parle jamais parce qu'ils n'ont pas un rôle très sympathique, au moins au début de l'histoire, mais parmi les victimes figurent donc les deux joaillers, Bemer et Bassange. Ils sont très, très ennuyés. Et ils font des dépositions, bien entendu, devant le Parlement. Ils sont très ennuyés parce que eux, ils ont perdu 1 600 000 livres et ils n'ont pas reçu un sou. Alors, ils seront payés ultérieurement par la famille de Rohan qui se cotisera pour payer le 1 600 000 livres, ce qui était quelque chose d'énorme. Et les joailliers ont eu aussi très peur dans cette affaire, mais il a fallu qu'ils attendent longtemps. D'ailleurs, eux-mêmes avaient fait des emprunts, parce que ce collier qu'ils avaient sur les bras depuis des années, eh bien, ils n'arrivaient pas à le vendre et ça immobilisait une somme énorme. Finalement, on peut se dire que c'est la seule véritable morale de cette affaire, c'est que tout le monde a pâti de l'affaire du collier. Les petits arnaqueurs, alors sauf peut-être quelques complices de Madame de Lamotte qui ont réussi à vendre le collier, qui n'ont pas été... Monsieur de Lamotte, oui, mais enfin tout ça, c'est très relatif. Oui. C'est très très relatif. Oui, donc eux n'ont pas vraiment profité. Les joailliers ont été mis dans une situation quasiment insurmontable. La famille de Rohan, au-delà même du cardinal, se trouve complètement discréditée. Enfin, c'est gravissime, cette histoire. Et ruinée en grande partie. Le roi, la reine, la famille royale sont livrés en pâture à l'opinion publique. C'est un désastre général. Oui, un désastre général. Et puis alors, ce qui est très grave, c'est que dans l'opinion, non seulement l'image de la reine est écornée à jamais, partant l'image du roi aussi, et puis un certain nombre de personnes sont intervenues. Et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette aristocratie? On a un cardinal qui est le jouet d'une aventurière, qui est sa maîtresse, qui a comme ami et conseiller un charlatan comme Cagliostro, parce que ce personnage intervient aussi dans le procès. Il manquait plus que lui. Et là, on se dit, mais c'est pas possible, cette aristocratie est complètement pourrie jusqu'à la moelle. Et ça donne une image de l'aristocratie qui est absolument déplorable aux yeux de l'opinion. On se dit après tout que si ça n'avait pas été l'affaire du collier, il aurait fallu d'une manière ou d'une autre que tout ça sorte. Est-ce que ça n'est pas le reflet d'une certaine société, le reflet d'un régime qui arrivait totalement à son terme, qui était usé jusqu'à la corde? Oui, mais c'est certain, et c'est ça que montre cette affaire du collier, et aussi, je dirais, la maladresse et le manque de discernement au niveau de l'État, au niveau du roi, et ce malheureux Louis XVI qui a complètement manqué, une fois de plus, qui n'a pas pris la bonne décision. On imagine ce qu'un Louis XIV ou même un Louis XV aurait fait dans ce genre d'affaires. C'est-à-dire qu'on aurait étouffé, chape de plomb de l'État serait tombée sur cette affaire. Surtout Louis XIV. Et du temps de Louis XV, un ministre comme Choiseul, je pense, aurait tout de suite étouffé l'affaire. Ouais. Alors que là, on a l'impression que, avec la meilleure volonté du monde, on peut peut-être profiter quand même de l'occasion, Evelyne Levert, pour souligner la volonté de réforme, la volonté d'honnêteté de la cour de Louis XVI. C'est tout le paradoxe, en fait. Mais Louis XVI est le monarque le plus vertueux et c'est lui qui va conduire. Mais ce n'est pas de sa faute. C'est un peu idiot ce que je dis là. Mais il y a tout. En fait, le grand responsable, c'est Louis XV qui a été complètement obnubilé par le fait que Louis XIV avait achevé la monarchie absolue. Il avait donné le modèle dont il ne fallait pas bouger et Louis XVI a fait la même chose. Donc il y a un immobilisme avec un certain nombre de réformes qui améliorent la vie quotidienne des Français, mais c'est cet immobilisme politique qui conduit à la Révolution. Merci beaucoup Evelyne Levert. Vous êtes l'auteur notamment de l'affaire du collier, mais aussi d'ouvrages beaucoup plus récents qui parlent de la chronique des règnes de Louis XV et Louis XVI, justement. Oui, deux. Le temps des illusions et le crépuscule des rois. Et là, maintenant, il va y avoir le dictionnaire amoureux des reines. Ah, nous l'attendons avec impatience. Merci beaucoup. Au cœur de l'histoire. Monde meilleur. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors nous parlions du marquis de Breteuil à l'instant et du domaine de Breteuil, Evelyne Levert. Eh bien nous avons en ligne le 10e marquis de Breteuil. Bonjour Henri-François de Breteuil. Bonjour Franck Ferrand. Merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi. Vous êtes donc, vous, le descendant direct de ce grand ministre de Louis XVI et de quelques autres aussi d'ailleurs. En effet, dans ma famille, on a compté trois ministres sous l'Ancien Régime, un sous Louis XIV, un sous Louis XV. Ministre des Finances sous Louis XIV. Voilà, ministre de la Guerre sous Louis XV et ministre de la Maison du Roi et principal ministre sous Louis XVI. Voilà, c'est celui qui nous intéresse maintenant, d'ailleurs auquel vous faites directement référence dans la visite du château. On voit une des scènes de notre affaire du collier. Oui, on voit en effet l'arrestation, enfin plus exactement la signature par le roi Louis XVI du décret d'arrestation du cardinal de Rohan, en présence donc de la reine Marie-Antoinette, du ministre Louis-Auguste de Breteuil. Et le cardinal attend en quelque sorte un peu à côté, un peu au fond de la pièce, un petit peu contrarié et intimidé certainement, avant de savoir quel sort va lui être réservé. Et tout cela est reconstitué en cire par le musée Grévin, mais dans le, je dirais, avec les souvenirs historiques et les tableaux évoquant l'affaire. C'est une idée que vous avez eue depuis longtemps déjà. Il y a des animations et des personnages de cire dans le château de Breteuil depuis, je ne sais pas, au moins 25 ans de mémoire, peut-être plus. Un petit peu plus, le tout premier il y a une trentaine d'années, l'idée étant d'évoquer l'histoire d'une famille au cœur de l'histoire de la France et de montrer en quelque sorte de manière très visible des épisodes importants de l'histoire. On va retrouver bien sûr les souvenirs historiques, c'est ce qui est essentiel, les tableaux de famille, je le disais à l'instant, mais les personnages vont nous aider à mieux comprendre, en quelque sorte, l'événement qui inspire cette reconstitution. Le moins qu'on puisse dire est que vous avez ce qu'on appelle une illustration familiale assez extraordinaire avec Madame du Châtelet, dont on a parlé à ce même micro il y a quelque temps, dont votre propre grand-père qui a joué un rôle important dans le rapprochement franco-britannique, ce qu'on appelle l'entente cordiale. Mon grand-père était en effet, Henri de Breteuil, une sorte de go-between, ou comme le disait le prince de Galles, futur Édouard VII lui-même, un mixeur, qui avait rapproché en effet la Troisième République, dont il était membre en tant que député, de la Grande-Bretagne et du prince de Galles, notamment par une scène que nous avons reconstituée, qui est l'entretien chez Breteuil entre Gambetta, président de la Chambre des députés à l'époque, et le futur Édouard VII, et qui est considéré comme le point de départ, de ce rapprochement diplomatique extraordinaire. Il faut vous rendre un hommage personnel, Henri-François de Breteuil, car c'est vous qui, dans les années 1960, avez sauvé la demeure familiale d'un projet qui aurait pu lui être fatal. Et on peut dire que ça fait combien? Ça fait 40 ans, 45 ans que vous avez pris en main les destinées de cette merveilleuse demeure? Alors le château est ouvert aux visites du public depuis 1969, donc depuis 47 ans. C'est ça. Il est ouvert maintenant tous les jours, toute l'année. Et c'est vrai qu'au départ, Breteuil était menacé par beaucoup de choses, par l'appétit de promoteur, aussi par le très mauvais état dû à l'inhabitation pendant longtemps, dû à la mérule, un horrible champignon. Et oui, bien sûr. Et tout ça, je dirais, tout ça se délitait petit à petit. Et ça a été un peu le rêve de ma vie et l'œuvre de ma vie, avec mon épouse Séverine, de vouloir le remettre en état et surtout l'ouvrir au plus grand nombre. Et lui rendre cet écrin de verdure, ces jardins magnifiques qui sont le complément d'une visite à Breteuil. Il y a énormément à voir à Breteuil. En revanche, on n'y voit plus la table de Téchaine, disons-le. Oui, mais on y voit, elle est au Louvre, comme vous le savez fort bien. Alors en ce moment, elle est même au Petit Palais, dans le cadre de l'exposition « L'art de la paix ». Oui, exactement, pour quelques semaines. Mais nous avons fait faire une réplique extrêmement fidèle de cette table, parce qu'il fallait que cette table reste, vu le lien avec l'histoire de la famille, et vu le lien avec le médiateur Louis-Auguste de Breteuil, le même qui a conduit à l'arrestation, disons, était conduit pour le roi à faire arrêter le cardinal de Rohan. Donc nous avons voulu que la table reste dans son souvenir à Breteuil, et nous avons en effet fait une réplique qui est extrêmement précise. C'est une sœur jumelle de l'original, original que j'ai cédé au Louvre, pour des problèmes bien sûr bien connus de succession entre les enfants. Mais la réplique est vraiment confondante. Monsieur de Breteuil, merci beaucoup non seulement de nous avoir parlé cet après-midi, mais aussi et surtout de tout ce que vous faites à Breteuil, qui est un domaine somptueux, on peut le dire, Evelyne. Un domaine somptueux et extrêmement humain. Et il faut dire aussi une chose, je viens d'entendre le marquis de Breteuil, il est parfaitement sympathique, humain, et il accueille tous ses visiteurs personnellement. Eh bien ça, c'était l'hommage d'Evelyne Levert. Merci beaucoup. Et le moment est venu de retrouver Nikos Aliassos. Bonjour Nikos.